Madame Bovary, première partie, chapitre 8. Le château, de construction moderne, à l'italienne, avec deux ailes avançant et trois perrons, se déployait au bas d'une immense pelouse où paissaient quelques vaches entre des bouquets de grands arbres espacés, tandis que des bannettes d'arbustes, rhododendrons, seringas et boules de neige bombaient leurs touffes de verdure inégale sur la ligne courbe du chemin sablé. Une rivière passait sous un pont. À travers la brume, on distinguait des bâtiments à toit de chaume, éparpillés dans la prairie, que bordaient en pente douce deux coteaux couverts de bois, et par derrière, dans les massifs, se tenaient sur deux lignes parallèles les remises et les écuries, restes conservés de l'ancien château démoli. Le bogue de Charles s'arrêta devant le perron du milieu. Des domestiques parurent. Le marquis s'avança, et, offrant son bras à la femme du médecin, l'introduisit dans le vestibule. Il était pavé de dalles en marbre très haut, et le bruit des pas, avec celui des voix, y retentissait comme dans une église. En face, montait un escalier droit, et à gauche, une galerie donnant sur le jardin conduisait à la salle de billard, dont on entendait, dès la porte, caramboler les boules d'ivoire. Comme elle la traversait pour aller au salon, Emma vit autour du jeu des hommes à la figure grave, le menton posé sur de hautes cravates, décorés tous, et qui souriaient silencieusement en poussant leur queue. Sur la boiserie sombre du lambris, de grands cadres dorés portaient, au bas de leur bordure, des noms écrits en lettres noires. Elle lut « Jean-Antoine d'Andervilliers d'Hiverbonville, comte de la Vaubyessard et baron de la Fresnaye, tué à la bataille de Coutras le 20 octobre 1587. » Et sur un autre, « Jean-Antoine Henri-Guy d'Andervilliers de la Vaubyessard, amiral de France et chevalier de l'ordre de Saint-Michel, blessé au combat de la Haute-Saint-Vaast le 29 mai 1692, mort à la Vaubyessard, le 23 janvier 1693. Puis on distinguait à peine ce qui suivait, car la lumière des lampes, rabattue sur le tapis vert du billard, laissait flotter une ombre dans l'appartement. Brunissant les toiles horizontales, elle se brisait contre elles en arêtes fines, selon les craquelures du vernis. Et de tous ces grands carrés noirs bordés d'or sortaient, çà et là, quelques portions plus claires de la peinture, un front pâle, deux yeux qui vous regardaient, des perruques se déroulant sur l'épaule poudrée des habits rouges, ou bien la boucle d'une jarretière au haut d'un mollet rebondi. Le marquis ouvrit la porte du salon. Une des dames se leva, la marquise elle-même, vint à la rencontre d'Emma, et la fit asseoir près d'elle sur une causeuse où elle se mit à lui parler amicalement, comme si elle la connaissait depuis longtemps. C'était une femme de la quarantaine environ, à belles épaules, à nez busqué, à la voix traînante, et portant ce soir-là sur ses cheveux châtains un simple fichu de guipure qui retombait par derrière en triangle. Une jeune personne blonde se tenait à côté dans une chaise à dossier long. Et des messieurs qui avaient une petite fleur à la boutonnière de leur habit causaient avec les dames tout autour de la cheminée. À 7 heures, on servit le dîner. Les hommes, plus nombreux, s'assirent à la première table dans le vestibule et les dames à la seconde dans la salle à manger avec le marquis et la marquise. Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l'odeur des truffes. Les bougies des candélabres allongeaient des flammes sur les cloches d'argent. Les cristaux à facettes, couverts d'une buée mate, se renvoyaient des rayons pâles. Des bouquets étaient en ligne sur toute la longueur de la table, et dans les assiettes à large bordure, les serviettes arrangées en manière de bonnet d'évêque tenaient entre le bâillement de leurs deux plis chacune un petit pain de forme ovale. Les pâtes rouges des homards dépassaient les plats. De gros fruits dans des corbeilles à jour s'étageaient sur la mousse. Les cailles avaient leurs plumes, des fumées montaient. Et en bas de soie, en culotte courte, en cravate blanche, en jabot, grave comme un juge, le maître d'hôtel, passant entre les épaules des convives les plats tout découpés, faisait d'un coup de sa cuillère sauter pour vous le morceau qu'on choisissait. Sur le grand poêle de porcelaine, à baguette de cuivre,

Quelques hommes, une quinzaine, de 25 à 40 ans, disséminés parmi les danseurs ou causant à l'entrée des portes, se distinguaient de la foule par un air de famille, quelques fussent leurs différences d'âge, de toilette ou de figure. Leurs habits mieux faits semblaient d'un drap plus souple, et leurs cheveux ramenés en boucle vers les tempes, lustrés par des pommades plus fines. Ils avaient le teint de la richesse, ce teint blanc que rehausse la pâleur des porcelaines. Les moires du satin, le vernis des beaux meubles, et qu'entretient dans sa santé un régime discret de nourriture exquise. Leurs cous tournaient à l'aise sur des cravates basses, leurs favoris longs tombaient sur des cols rabattus. Ils s'essuyaient les lèvres à des mouchoirs brodés d'un large chiffre, d'où sortait une odeur suave. Ceux qui commençaient à vieillir avaient l'air jeunes, tandis que quelque chose de mûr s'étendait sur le visage des jeunes. Dans leur regard indifférent flottait la quiétude de passions journellement assouvies, et à travers leur manière douce perçait cette brutalité particulière que communique la domination de choses à demi faciles dans lesquelles la force s'exerce et où la vanité s'amuse, le maniement des chevaux de race et la société des femmes perdues. À trois pas d'Emma, un cavalier en habit bleu causait Italie avec une jeune femme pâle portant une parure de perles. Il vantait la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, Castellammare et les Cassines, les Rousses de Gênes, le Colisée au clair de lune. Emma écoutait de son autre oreille une conversation pleine de mots qu'elle ne comprenait pas. On entourait un tout jeune homme qui avait battu la semaine d'avant Miss Arabelle et Romulus et gagné 2000 louis à sauter un fossé en Angleterre. L'un se plaignait de ses coureurs qui engraissaient, un autre des fautes d'impression qui avaient dénaturé le nom de son cheval. L'air du bal était lourd, les lampes pâlissaient. On refluait dans la salle de billard. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse, sous les pommiers. Et elle se revit elle-même comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais aux fulgurations de leur présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière, et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là, puis autour du bal il n'y avait plus que de l'ombre, étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin, qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la cuillère entre les dents. Une dame près d'elle laissa tomber son éventail. Un danseur passait. « Que vous seriez bon, monsieur, dit la dame, de vouloir bien ramasser mon éventail qui est derrière ce canapé. » Le monsieur s'inclina, et pendant qu'il faisait le mouvement d'étendre son bras, Emma vit la main de la jeune dame qui jetait dans son chapeau quelque chose de blanc, plié en triangle. Le monsieur, ramenant l'éventail, l'offrit à la dame respectueusement. Elle le remercia d'un signe de tête et se mit à respirer son bouquet. Après le souper, où il y eut beaucoup de vin d'Espagne et de vin du Rhin, des potages à la bisque et au lait d'amande, des puddings à la Trafalgar et toutes sortes de viandes froides avec des gelées alentour qui tremblaient dans les plats, les voitures, les unes après les autres, commencèrent à s'en aller. En écartant du coin le rideau de mousseline, on voyait glisser dans l'ombre la lumière de leurs lanternes. Les banquettes s'éclaircirent. Quelques joueurs restaient encore. Les musiciens rafraîchissaient sur leur langue le bout de leurs doigts. Charles dormait à demi, le dos appuyé contre une porte. À 3 heures du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Tout le monde valsait, Mademoiselle d'Andervilliers elle-même et la marquise. Il n'y avait plus que les hôtes du château, une douzaine de personnes à peu près. Cependant, un des valseurs, qu'on appelait familièrement vicomte, et dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine, vint une seconde fois encore inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle sentirait bien. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient. Tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet, comme un disque sur un pivot.